lourd et c'est pour péter le score. Je les mets tous à la mandique, sort ou albator. Je mets à terre les conquérants de la lumière. Petit effronté, ton heure de gloire est éphémère. Mets à genoux les maîtres de l'univers. Cigare à la bouche, les couches à coups, le verre sévère. Corsaire de l'espace, je franchis les galaxies. Traverse le cosmos à la recherche de mes ennemis. Ma légende s'étend à l'infini. Fossoyeur sans képi, c'est ainsi qu'on me définit. Je drague ma cible, c'est la bataille des planètes. Scrutant le premier louche ou le premier mètre pas net. La corde est reine, mais je leur passe au cou. Personne n'y pourra rien, les végétales ils sont beaucoup. Œil pour œil, dent pour dent, point pour point, coup pour coup. Vouloir m'affronter, c'est creuser son propre trou. Le mystère de ma force est caché sous mon bras. Arme secrète, microphone, la puissance du rayon delta. Homme ou machine, nul l'imagine. B6 Cobra. Le mystère de ma force est caché sous mon bras. Arme secrète, microphone, la puissance du rayon delta. Homme ou machine, nul l'imagine. B6 Cobra. J'ai l'arme secrète, la formule, la recette. Pour faire lever les bras ou bien pour couper les têtes. Tu as bien profité, mais maintenant la fête s'arrête. Tes heures sont comptées, donc pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu t'obstines? J'aurais raison de toi. Que tu aies le pouvoir du crâne ancestral ou pas. La lutte est inégale, malgré ton arsenal. Ton armure de Pégase, l'issue sera fatale. Je ne crains ni ton glaive, ni ton sabre, ni ta lame. Tout brûle sur mon passage et c'est pourquoi le capitaine flamme. Je suis l'ouragan, le cyclone, la puissance du vent. Personne n'y échappera, car je tiens les survivants. J'ai achevé un à un les chevaliers du Zodiac. Décimé à tour de bras les alliés de Goldorak. Fallait pas réveiller la fureur du cobra. La force du rayon delta est cachée sous mon bras. Le mystère de ma force est caché sous mon bras. Arme secrète, microphone, la puissance du rayon delta. Homme ou machine, nul l'imagine. B6 Cobra. Le mystère de ma force est caché sous mon bras. Arme secrète, microphone, la puissance du rayon delta. Homme ou machine, nul l'imagine. B6 Cobra. Pris la peine de changer d'apparence physique, mais le rayon delta monté sur ton avant-bras gauche t'a trahi. Jamais personne d'autre que toi n'a porté une arme pareille, et surtout à cet endroit. D'un rayon laser, mon avant-bras est doté. Ce dernier est dirigé par ma simple volonté. Il m'est donc impossible de rater ma cible. C'est de la balle métaphorique, trop puissante et invincible. Bienvenue dans l'univers intergalactique où jaillit la force de la puissance cosmique. Les Cosmo-Cosmo-4 sont pour moi des comiques, tous fumés et entassé dans mon cigare conique. Ici c'est la demeure et c'est pas de la science-fiction. La planète bleue en danger, donc passons à l'action. À l'épreuve des trous noirs et du champ d'attraction. Plus de météorites, je suis protégé par ma diction. J'ignore la peur, ramène les transformeurs. Je transforme, je transfère, évapore leur père. Élimine les rappeurs sans faire de rapport. Tu perds tes repères, j'exécute tes ports. Le mystère de ma force est caché sous mon bras. Arme secrète, microphone, la puissance du rayon delta. Homme ou machine, nul l'imagine. B6 Cobra. Le mystère de ma force est caché sous mon bras. Arme secrète, microphone, la puissance du rayon delta. Homme ou machine, nul l'imagine. B6 Cobra.